Allô? Allô? Allô, chérie? Oui. T'es où? Je suis à Château Rouge. Mais tu fais quoi à Paris? Je cherche des produits pour mes cheveux, non? Sûr, sûr? Oui. Ok, bon, je t'attends à la maison. Alphonse Mavuela. Ma bengi ana telefone okosi osana pari. Nzoka wako minamo epa ya simo kwe tideko. Telefone yo. Telefone yo. Oh, telefone yo. Telefone yo. Olo kutana telefone yo. Telefone yo. Oh, telefone yo. Telefone yo. Hey, José Biziko na Brazzaville. Ma bengi Raoul Lewala, Jacques Lalé Koufi Klo Klo.